panneaux en relief et en braille. Alors. Tout à l'heure, on va y aller à pied. On va en avoir pour 2 heures, mais. Siamo tutti palestinesi! Siamo tutti palestinesi! Nous voici. La chambre sera prête pour 13h30. Les clés sont à l'intérieur d'une boîte. Dans la rue Francesco Cavazza, presque au coin de la rue Romagnoli, comme sur la photo. Bon, la première que j'essaye. Ça marche pas tous les coups. Je pense que c'est moi qui me suis trompée. Est-ce que ça c'est le premier déjà, non? Voilà, c'est bon. Une abri. Ouais. Non, c'est bien propre. Maillot. C'est vraiment. On a changé de planète là un peu. Donc tu as 3 marches pour y arriver tout autour, ça fait un carré. Et tu as Neptune tout en haut là, qui tend son bras gauche. Et il y a des anges, donc c'est carré, il y a des anges tout autour. L'eau elle coule de gargouilles qui sont sur les bras des anges. Là il y a un blason marqué Libertas. Et puis après il y a des trucs en forme de coquille, Saint-Jacques. Et là, il y a des sirènes, elles se tiennent les seins, tu sais, et l'eau sort. Alors, nous avons changé de ville, nous sommes maintenant à Bologne. Et voilà, il y a 2 jours, la Dolce Vita, cette joie de vivre. Donc voilà, et t'as des petites... On y monte sur les marches ou pas là? T'as une petite fontaine là, celle là, l'eau coule si tu veux toucher l'eau. Grazie. Ciao, buona giornata. Donc, visite de la basilique. La basilique San Petronio à Bologne est la 15e plus grosse église au monde. C'est un trésor du patrimoine italien et catholique. Seulement la fresque représente Mahomet, prophète, en train de se faire dévorer par un démon de l'enfer. Cela a valu à la basilique San Petronio d'être la cible de plusieurs tentatives d'attentats. La ligne méridienne de Cassini. Dans la basilique, vous verrez très vite une originalité. Une ligne en pierre blanche au sol, protégée par du verre et des cordons. Ah oui, d'accord, je la vois. Elle a été conçue en 1655 par l'astronome franco-italien Jean-Dominique Cassini. Cette ligne est en fait un cadran solaire d'une précision remarquable. Long de 66 mètres, c'est même le plus grand cadran solaire au monde. Un trou de 2,7 cm permet de laisser entrer la lumière du soleil qui tape chaque jour à midi pile la ligne méridienne à un endroit différent selon la journée. Il y en a un qui porte une grande croix. Et il soulève des cierges. T'as de l'encens. Et t'as des prêtres plus âgés, donc derrière, et eux, ils ont une étole couleur or sur les épaules. So, un apérol spritz. Ok. Un americano. Un americano. Passo così. I've got the card if you want to. Nice. Okay. Okay. Je peux lui dire qu'on a vu un article en France. Ok. Oh yes, yes. Okay. Okay. It's a big one. But the information French. Mm-hmm. French. Is okay. Mm. And. There is some things to touch, possible? No. In fact, we read something. C'était quoi? C'est sur un site internet. Un article. Bien sûr, le texte parle du père Martini, un important musicien du XVIIIe siècle. Il mentionne ses amis et collègues musiciens, ainsi que l'influence qu'il a eue sur des compositeurs célèbres comme Mozart. Lis-moi complètement le texte. D'accord, le texte dit « Gli amici di Padre Martini, sacerdote regolare, Giambattista. » Traduis-moi en français le texte. D'accord, le texte dit « Les amis du Père Martini, prêtre régulier, Giambattista Martini n'a presque jamais quitté Bologne. Mais dans sa cellule de San Francisco, il reçoit de fréquentes visites d'admirateurs, d'élèves, de collègues, comme l'historien anglais Burney et le compositeur bohémien Gluck, venu à Bologne pour inaugurer le Teatro Communal. 1763. Et à travers les livres, sans quitter sa cellule, Martini converse avec plus d'un de ses maîtres, même anciens, non seulement espagnols et romains, mais aussi anglais, grecs, français et lombards. Parmi ses élèves, on compte Giovanni Cristiano Bach, le dernier fils de Johann Sebastian, et Wolfgang Amadeus Mozart, admis à l'âge de 14 ans à l'Accademia Philharmonica grâce au soutien du père Martini. T'as raison, c'est une gravure magnifique. Tu as remarqué le détail des animaux sauvages apprivoisés par la musique. C'est une belle représentation de l'harmonie universelle, non? Oui. T'as amené ton copain avec toi? T'es le copain de Nathalie? Oui. Mais toi. Oh, un livre de René Descartes. Je vois un livre de René Descartes. Oui, peux-tu me dire ce qui est écrit sur le livre? Bien sûr. Le titre est Compendium Musicae. Le texte latin décrit comment les anciens philosophes, en étudiant les sons, ont découvert des lois cachées de la nature et du plaisir. Il explique comment le son, en frappant l'oreille, atteint le cerveau et éveille diverses émotions. Tu veux que je traduise un autre passage? Et peux-tu me traduire ce qui est écrit? Ce passage explore comment les anciens philosophes ont découvert les lois cachées de traduis-le-moi, n'en fais pas un résumé, tu me le traduis. Il explique comment le son... Absolument. Voici la traduction du texte. Les anciens philosophes, en étudiant le plaisir que nous trouvons dans les sons, et comment ils affectent nos cœurs, ont examiné les raisons de cette affection et ont ainsi été amenés à découvrir les lois cachées de la nature et à expliquer ce mystère. Bon, c'est le bilan là ou pas? Ouais, oui. Ça fait le combien de temps qu'on fait du musée de la musique? C'est le deuxième, non? Troisième. Ouais. Le mieux, c'était celui où on a eu le guide français. Non? Ça, c'est sur des portes. Ouais. Mais moi, je dirais que le mieux, c'était quand même sur des Malaga. Malaga? Parce que tu pouvais toucher plein d'instruments. Ah oui, puis tu veux, ouais. Là, c'était super. Du moins, c'était super. Il était bien sûr, mais c'était trop... C'est presque... C'est pas... Bah après, c'est comment il s'appelle? Musée International, International Museum, Library of Music, Musée International. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Je ne sais même pas pourquoi on a entendu la musique au départ, mais tu es dedans, tu n'entends pas de musique. C'est ça. Je sais pas. Oui, c'est vrai, d'où elle venait cette musique. Et après, il n'y en a plus, mais moi je pensais qu'il y avait des zones où tu pouvais avoir un peu de la musique, des airs de musique classique. Ouais. En fait, je ne l'ai pas trouvé vivant. Moi. Il y avait des trucs très intéressants, je ne dis pas sur les documents qui étaient très anciens, ce qu'on a lu, les lectures, c'est bien, mais tout, il n'est pas vivant. Quoi. C'est pas... Après, la représentation des instruments sur les machines thermoformées, c'était bien ça. Mais le livre, il fait 4 kilos. Grand. Attends, c'est pas pratique du tout. Bon, on fera un bilan quand même. Si on peut aller sur leur site et mettre un bilan de nous, ce qu'on a ressenti. Oui. Mais je comprends pourquoi ils l'ont enlevé d'handicap zéro, la page maintenant. Parce que si une personne handicapée qui vient comme ça, là, il peut être vraiment très très déçu. Parce qu'il y a une adaptation, c'est évident. Ouais. Mais par quelqu'un de très passionné par la musique. Oui, c'est ça, voilà. Ah oui, il y a une fanfare là-bas. Oui, ça, t'as raison, c'est une procession. Et ça vient de là, l'odeur. Ils sont tous en habit de fanfare avec la casquette blanche. Hein. Banda Musicale Giuseppe Verdi, Città di Cento. Et là, il y en a devant, ils sont recouverts d'une espèce de cape qui leur recouvre les épaules, couleur mauve foncé. Quand on était dans le. Ah. Ça y est, ils remettent leur truc. Ça repose juste sur leurs épaules, c'est pas à bout de bras, tu sais, comme on a vu en Andalousie. Et là, ils partent, ils avancent tout doucement. Il y a des femmes devant, elles ont un voile blanc sur la tête. Et elles sont toutes en mauve, col en noir. Et elles reculent en même temps qu'ils avancent avec le truc. Ah, c'est impressionnant parce qu'ils avancent tout doucement. Parce que je voudrais bien faire. Avancent avec le truc et les femmes là qui sont là, elles ont tout un quelque chose qui diffuse de l'encens et c'est ça l'odeur avec leur voile blanc et elles reculent au fur et à mesure qu'ils avancent avec le truc, elles reculent et les prêtres qui sont devant elles aussi. Est-ce qu'on va voir la pizzeria ou on continue? C'est quoi la pizzeria? La pastitia. Oui, oui. On y va? Bonjour. We would like to reserve the city, no, not the city tour, to go to Santa Luca. Okay, how many? We are two people and my friend is blind. Perfect. Français? Français. Perfect. Alors, deux personnes. Les prochains trains sont les 2h15. Mais on voudrait plutôt 16h35. Voilà, ouais. 16h35. Hello. Hello. We've got tickets. Yes. For what time? 1:40. 1:40. Your name? Drouet and Thibon. Drouet, D-R, D-R. Michel. Ok, welcome. Ok, grazie. Grazie mille. If you want to scan the code here, it's a free audio guide, there is in French also, and then you can go upstairs on the left. Enjoy your visit. Grazie. Grazie. Et là, on voit les tours, les deux grandes tours. On va pas plus haut, je crois. Non, on peut pas plus haut. Après, tu redescends. Donc on reste là. Oui. Alors on remonte. Et le yogi est fini, du coup? Eh ben, je sais pas. On va regarder, je pense pas. Donc nous sommes sur la tour de l'horloge à Bologne. Et nous attendons la sonnerie des cloches pour nous annoncer 14h, 2h de l'après-midi. Et voilà, il est 2h. T'es content? Non, mais le pire, ce qu'ils nous disent, c'est des trucs à la bolognaise. Oui, ben, ça fait juste... voilà. C'est pas du tout à la bolognaise. Ah. Tout ça pour ça, quoi. Ça. C'est midi solaire. Oh, merde, ça fout de nous. Mais c'est que deux, 74, je sais. Ah oui. C'est donc à mi-hôte, il y avait toujours deux sonneries. Je sais pas pourquoi il y a toujours deux sonneries. Ça, c'est dur là, hein? J'ai fait moi. Ah, t'as faim toi? Un peu, ouais. Hello. Hello. English? No. Espagnol? Italien? Français. Français? I don't speak. Signé. Ah, signé, décharge. Les marches sont petites. Ok. Ok. Allez, merci. Merci. Merci. Tu as fait pour moi? Fais-moi, là, il est marqué là. Ah, ok. Ok. Alors, on enjambe. Ah, le mécanisme. Donc là, on a les deux tours, là. Une et deux. Là, il y a un grand drapeau d'Italie. Du coup, là, bah, on voit la ville plus moderne. Il me dit un visage dans le cadre. Ah, alors ça doit être moi. Allez, on va essayer d'un autre angle ou c'est bon, là? Hein? Et lui me dit d'approcher un petit peu. Ah, ça va prendre là. Ça fait tout seul la photo. Hein. Bah, les trois sont pas mal. Il dit ne bougez plus, ne bougez plus, il fait de la photo. Ah ouais. Tout seul, ah, c'est bien, on voit bien. Puis on voit bien les tours. Ouais, c'est rigolo. Celle-là, elle est plus près. Il m'a dit avancez-vous. Ah ouais, bah, c'est chouette. Bah oui, là, celle-là. Bah, celle-là, je vais la garder pour mon bêtisier, celle-là. Ah, parce que t'as les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte. Et là, ça va. Oh, mec. Alors, comment il se la pète. Il se la pète, là. Bon. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que le guide, c'était une italienne. Oui. Et ça donne un peu plus de relief, oui. Je trouve. Oui, que... c'est bien, ouais. Randonnée, 4,1. KME 0h, 48 minutes, 47 secondes. 0M, 342 kilocalories. Voilà, en fait, c'était l'enregistrement de la plus longue galerie ou portique du monde qui fait 4,1 km quand même. C'était pas mal. Allez, ma fille chérie, elle est fatiguée là. Bisous. Non, ça va, moi je suis là. Elle est pas fatiguée. On n'est pas fatiguée. Bon, allez voir Baron Spritz là. Et il y a une petite...